la Guadeloupe, yo déjà annoncé que moi pral marié. Qui se chance pas comme si là, ça te qu'à marcher. Possible. Oh la la, mon cher. Sortez qu'à faire une mission impossible. Oh la la, mon cher, dangereux. C'est une mission impossible. Baltazar, au centre, on perdit la raison. C'est pour rappeler, on c'est le bien ou gagner. N'est pas possible pour courir dans trois chemins. Pour les marier, pour être trop fiancé. N'est pas possible pour courir dans trois chemins. Plutôt on prend repos à Paris.